Les chasseurs de nazis. Il y a une autre fois, plaît-il ? Il y a une autre fois, n'est-ce pas ? Chapitre 8, un ultime baroud d'honneur. Premier épisode. Je vais le reformuler. On nous avait parlé de ce moment terrible où ils ont tué tous les juifs au camp de travail de Travniki. Vous en avez vu un peu de la fenêtre. Le 1er mai 1992, le procureur américain Eli Rosenbaum, directeur de l'Office of Special Investigation, s'assoit en face d'un homme suspecté d'être un criminel nazi. Cet homme s'appelle Jack Reimer. C'est un ancien garde du camp polonais de Travniki. Voici des extraits exclusifs de son interrogatoire. Il y a une autre fois, n'est-ce pas ? Vous avez vu des juifs se faire tuer. Ce n'était pas la seule fois. Il y a eu au moins une autre fois. Vous êtes sous serment, vous en souvenez ? Il y a eu une autre fois. Et cet homme a dit que j'ai participé. Je ne veux pas parler de sources. Je vous pose simplement la question. Il y a une autre fois, n'est-ce pas ? Je n'ai pas pris part. Je ne vous demande pas. Vous avez vu cela se produire une autre fois ? Je l'ai vu se produire. D'accord ? Avec vos propres mots, parlez-moi de cet incident. Tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Nous étions dans une caserne, quelque part à l'extérieur de Travniki. Où ça, je ne sais pas. Et tous, je pense que c'était un peloton. Ils sont tous réveillés, ils ont tous été réveillés. Ils ont tous été envoyés pour exterminer le camp de travail. Je ne me suis pas levé, j'ai dormi. Je sais que vous allez dire que ce serait fou de me croire. Je n'y ai pas pris part. Je n'étais pas impliqué dans la fusillade. Vous dites que ce n'est pas vrai ce que je dis ? Vous dites que cet homme dit des choses différentes ? Je ne peux pas poser ma question différemment. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai que j'ai dormi. Et lorsque je me suis... Quand ils ont envoyé les hommes me chercher pour m'attraper... Mais lorsque vous êtes réveillé, vous aviez quelque chose à faire. N'est-ce pas ? Quelque chose au sujet de l'homme qui était visé à la tête et que vous ne m'avez pas dit. Oui. Vous l'avez achevé. Je le crains. Je ne pouvais pas simplement me tenir là. Je devais faire un effort pour faire quelque chose. Vous voyez, lorsqu'on a commencé, M. Reimer, c'était quoi ? Ce que j'essayais de vous faire comprendre, c'est qu'il vaudrait mieux pour nous d'aller directement à la vérité et de ne pas devoir y parvenir par petits morceaux en tournant autour. Eli Rosenbaum revient sur les équipes de l'OSI qu'il dirige depuis 30 ans. On s'est rendu compte assez tôt dans le processus que des enquêteurs classiques, genre des classiques à la Maigret, qu'on nous avait détachés d'autres agences, n'étaient pas ce qu'il nous fallait. On avait besoin d'historiens qui pourraient fureter dans les archives à travers le monde pour trouver les pièces manquantes du puzzle. Un document pouvait faire la différence s'il était signé par le suspect. Et les défis étaient énormes. Il fallait courir contre la montre, comme aucun autre procureur du pays. Il fallait travailler aussi vite que l'on pouvait le faire de façon responsable. J'ai encore sur mon bureau un article de Newsweek de 1980, intitulé « Le dernier procès des nazis ». Et c'était le procès Kurt Lischka en Allemagne. Et bien sûr, j'ai eu des reporters qui, chaque année, venaient nous voir depuis en nous disant « Alors, il semble que ce soit le dernier procès contre des nazis ». J'ai toujours répondu, pas encore. C'est intéressant, en 1980, ça devait être la dernière affaire nazie, et pourtant, en l'an 2000, je pense, c'est cette année-là que l'on a soumis le plus grand nombre d'affaires de toute l'histoire de notre programme. Et ça a été rendu possible par quelque chose que personne ne pouvait prévoir, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, et dont le résultat était que nos historiens ont pu avoir accès au plus grand corpus au monde de documents nazis confisqués. Et on a commencé à les exploiter et on a trouvé des preuves irréfutables dans toutes les archives à travers l'ancienne Union soviétique. Alan Ryan, prédécesseur d'Eli Rosenbaum à la tête de l'OSI. Oui, j'espérais que notre mandat, le mandat de l'OSI, soit élargi pour inclure non seulement les criminels nazis, mais tous ceux qui avaient participé à la persécution d'innocents à cause de leur religion, leur groupe ethnique ou autres critères. Et ça s'est concrétisé. C'est Eli Rosenbaum qui est à la tête du bureau et s'occupe non seulement des criminels nazis, mais aussi des génocidaires du Rwanda et d'ailleurs. La différence, c'est qu'au lendemain de la guerre, dans les années de l'après-guerre, il y a eu un énorme afflux d'immigrants européens aux États-Unis. Il n'était donc pas rare de trouver ici des collaborateurs nazis, même si c'était illégal et même s'ils avaient dû cacher leur passé, ce n'était pas si difficile. Mais c'est une toute autre histoire quand on se demande « Et qu'en est-il des Cambodgiens des années Pol Pot, des millions de personnes persécutées par les maoïstes ? Et qu'en est-il du Rwanda ?» La réponse, c'est que dans ces derniers cas, les coupables n'ont pas frappé en masse à la porte des États-Unis. On parle donc là d'un nombre de gens très restreint. Néanmoins, c'est important. Et je suis heureux que le ministère de la Justice ait élargi notre mandat pour inclure tous ceux qui violent les droits humains, quelles que soient les circonstances. Quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à votre action ? Ce sont des sentiments partagés. Tout d'abord, je suis surpris d'être encore en train de travailler sur des affaires d'anciens nazis et des violateurs des droits humains. Et comme John Lennon des Beatles l'a dit, la vie, c'est ce qui se passe pendant que l'on fait d'autres plans. Je suis très fier du travail que le ministère de la Justice a accompli pour identifier et déférer devant les tribunaux, autant que faire se peut selon la loi américaine, tellement d'auteurs d'actes de persécution nazis. Je chérirai pour toujours les interactions que nous avons eues, mes collègues et moi, avec les survivants des crimes nazis, juifs et d'autres survivants, dans mon pays et ailleurs, y compris en France, des gens comme Yves Béon, un rescapé du camp de concentration de Dora. Dans notre travail, il n'y a pas de plus grande récompense que d'être serré dans les bras par une ancienne victime qui témoigne. Il y a un dicton ici au ministère de la Justice qui dit « Toutes les victimes, toutes les fois ». Et je pense que nous avons incarné cette devise dans notre travail. Et dans le même temps, beaucoup de frustration. Frustration en raison d'aspects de ce travail qui sont au-delà de tout contrôle, comme de mener une enquête et tomber sur le nom de quelqu'un qui a commis des actes très graves. Et on trouve des preuves pendant une enquête sur un autre cas. On vérifie, on se rend compte que l'individu est mort ici dans les années 60. Et donc on n'aura jamais l'occasion de juger ce cas. La frustration sous-jacente à toutes ces affaires, c'est-à-dire qu'en raison du temps, de chronologie, même depuis les années 70, peut-être même depuis le milieu des années 60, c'est notre manque de réussite totale, à amener les pays européens à réadmettre sur leur territoire les criminels nazis que nous cherchons à extrader. Ces gens-là ne devraient pas rester aux États-Unis. Ils ne méritent pas de fouler le même sol que les Américains. Les familles de ces pays ont perdu 200 000 de leurs fils et aussi de leurs filles au cours des campagnes militaires pour mettre un terme au cauchemar de l'inhumanité nazie en Europe. Et donc ces gens ne devraient pas être ici. Le pays qui a la plus grande obligation morale est à l'évidence l'Allemagne. Il est très frustrant qu'à de nombreuses reprises, le gouvernement allemand a refusé de réadmettre ces gens. À demain, pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.